Envisager le pire, période de vie attristée, période 1. J'ai mal au cœur quand il n'y a pas réciproque, je les stocke, péremption, période. Et ouais, envisager le pire, période de vie attristée, période 1. J'ai mal au cœur quand il n'y a pas réciproque, je les stocke, péremption, piston, se faire du bifton sans rien dans le blouson, mais sans ça au mouton. L'émotion rime avec pulsion. Tu connais l'enfer de l'attraction. Les efforts toujours que dans un sens. Je veux bien te suivre sur la piste, mais après faut que ce soit ton boule qui mène la danse. Sans latence, pourquoi jamais d'Alabama pour Clarence? Envisager le pire, période de vie attristée, période 1. J'ai mal au cœur quand il n'y a pas réciproque, je les stocke, péremption, période. Et ouais, envisager le pire, période de vie attristée, période 1. J'ai mal au cœur quand il n'y a pas réciproque, je les stocke, péremption, elle part, te laisse, tu te vois déjà perdre, mais toi, tu es love, toi t'es bête, toi t'es sur une autre planète, y'a rien à faire pour sortir ce serpent de la tête. Quand t'as grillé toutes tes chances et qu'au fond personne ne te comprend, ton avenir sur les planches, pas dans une froide chambre. Et ouais, envisager le pire, période, envisager, attristée, période, j'ai mal au cœur quand il n'y a pas